votre plus récente bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Donc, on va parler d'abord du centre sportif Benoît Lévesque hier. Une nouvelle qui était annoncée depuis fort longtemps, c'est qu'on a annoncé la rénovation du centre sportif Benoît Lévesque au coût de 10,9 millions de dollars qui sera financé à égalité avec le fédéral, le provincial et le municipal. Le centre sportif Benoît Lévesque aura droit à de nouveaux estrades, un système d'éclairage neuf et un système de réfrigération moderne, le réaménagement des aires de circulation ainsi que deux nouveaux vestiaires. En entrevue hier sur les ondes d'andradiosport.com, Guy Larouche a expliqué également qu'il y aura d'autres facettes de rénovation dans le cadre de ce projet. Exactement. Regardez, c'est vraiment tout le complexe sportif qui est remanié au complet. Et on maintient ce qui est en bon état, comme on dit, au niveau les tuyaux, exemple, de la dalle de béton, les bandes, exact. Puis le reste, ben on fait tout. Et Guy Larouche espère attirer des spectacles au Centre sportif de Roberval suite également à cette annonce. Exactement, parce que on fait l'acquisition de nouveaux planchers de caoutchouc qui est amovible, donc qui peut s'imbriquer un dans l'autre, et qu'on installe ça en moins de 2 heures. Donc ça pourrait permettre différents spectacles ou événements, peu importe que la glace soit faite ou non. Okay. Une grosse fin de semaine de patinage de vitesse sur courte piste qui s'est déroulée en fin de semaine à Montréal et également à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, c'était le championnat québécois qui déterminait ceux et celles qui se sont qualifiés pour les championnats canadiens de l'Est qui vont avoir lieu à Ottawa le 25 et le 26 mars. Et à noter que le Québec va envoyer 46 patineurs, dont 13 de la région. Et parmi ces 13, il y a Olivier Collard de Saint-Félicien. Pendant ce temps-là, il y avait également les sélections seniors qui se déroulaient également à Montréal, au centre Maurice Richard. Et à noter que du côté des femmes, il y avait Maude Tremblay qui était en action là-bas. Et dans le cas de Maude, elle a pris le 26e rang. Léonie Bradette de Saint-Félicien, le 24e rang. Et Rosalie Tremblay également, qui a été la meilleure du secteur, qui a terminé en 11e position. On va parler avec David Simard pour qu'il nous analyse tout ce qui s'est passé en fin de semaine aux deux endroits. Maintenant, on va parler du côté de Nicolas Roy des Saguenayens de Chicoutimi. Il a reçu quand même une belle nouvelle, Nicolas Roy, c'est qu'il est en nomination pour le titre du trophée Marcel Robert, qui est remis aux joueurs étudiants de l'année. Le choix des quatrièmes rondes des Hurricanes de Caroline est en compétition avec Alexandre Allien de l'Armada de Bienville-Beaubriand et Antoine Samuel du Drakkar de Baie-Comeau. Alex Bussière de Dolbeau-Mistassini était en action également en fin de semaine au championnat canadien qui se déroulait à Edmonton. Et Alex Bussière et son équipe ont réussi à se tailler une place sur le podium. Ils ont terminé avec une médaille de bronze. Donc lui et son équipe ont terminé 8e au 1000 mètres avec un temps de 2 minutes 28 et 4e au relais 4 fois 800 mètres, ce qui leur a donné au cumulatif la 3e position. J'invite à écouter la section entrevue de danandiosport.com. Hier, on a parlé avec Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenayens de Chicoutimi. Je me suis également entretenu aussi avec le maire de Roberval, Guy Larouche, pour parler des projets de rénovation au centre sportif Benoît Lévesque de Roberval. Et également, vous pouvez écouter les autres entrevues dans la section entrevue de danradiosport.com. Sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.